tu es comme abasourdi par cette décharge qui a parcouru ton bras, qui a ébranlé jusqu'à ton épaule, mais en même temps rasséréné. Et bien que nous soyons encore à Prescaube, tu as entendu le cri ironique de l'oiseau de nuit réveillé avant son heure, qui chasse, appelle à la chasse, dérangé par quoi d'ailleurs ? La nuit est longue, même en péril, et il est étonnant d'entendre si tôt un oiseau de proie sur les hauteurs entamer sa chasse nocturne. Tu as dû passer plus de temps que tu ne l'estimais à faucher les herbes pour la brave Julie. Tu ressens maintenant le contre-coup de cet effort ajouté à celui de la longue marche de la journée. Une marche éprouvante même pour toi dans la montagne, loin des sentiers que tu parcours habituellement, délaissant les voies déchues pour cette sente caillouteuse qui a mené jusqu'à cette mont de fortune. Mais là, tu détiens quelque chose, une certitude, est-ce là, Edmond ? Oui, les Drabounias ne sont que des fariboles. Tu en es maintenant convaincu ? Oui. Ou cherches-tu simplement à t'en convaincre ? J'en suis convaincu. Peut-être que ce cri de ce chasseur prudent et méticuleux de la nuit était un commentaire sur ta découverte et ta conviction que intimement tu t'étais forgé. Je pense surtout qu'il a dû trouver que j'étais long à comprendre que les Drabounias n'existent pas. Julie est au bas du champ. Tu aperçois au loin un grand envol de ces oiseaux qui s'ébrouaient autour de l'étang en contrebas du promontoire sur lequel vous êtes hissé. Ils passent, épouse les courants qui drainent les nuages et les amoncellent avec une certaine hâte maintenant vers les hauteurs, comme si toute l'énergie que tu avais imprimée à ton geste pour faucher l'herbe de Julie avait été communiquée à ce vent mauvais qui drosse les nuages sur les hauteurs et qui s'amoncelle annonciateur de pluie. Reste à espérer que la mourante fortune puisse vous abriter effectivement de ces pluies de péril, parfois acides et bien fraîches. Les nuits demeurent très fraîches en cette saison, surtout dans ces hauteurs. Ces pluies sont périlleuses. Vous n'avez que vos simples vêtements, pas de houppelande, pas de grand manteau pour vous protéger du froid. Il va vous falloir songer à faire rapidement un feu pour vous abriter dans la maison. Tu n'entends plus ton ami Horace s'affairer. Il n'y a plus de bruit au-dedans de la cabane de bois. Le chalet est tout silencieux. Julie s'est éloignée. L'endroit semble désert et tu sembles isolé au milieu de cette île, au milieu des nuages. Loin, très loin de la communauté des mille vaches. Vous n'avez croisé que des animaux depuis ces quelques jours. Pas âme qui vive. L'endroit semble déserté des hommes. Qu'est-ce qui a bien pu les inciter à fuir les lieux ? Je ne sais pas. Entres-tu rejoindre ton ami ? Oui. Il faut regagner des forces pour demain. Et me questionner sur un fait que je ne pourrais résoudre à l'heure actuelle ne ferait que me fatiguer plus, et ce n'est en aucun cas souhaitable. Qu'allez-vous manger ce soir ? Je ne sais pas. Car ton estomac gargouille. J'ai mis quelques framboises. Tu te sens faible maintenant que l'effort est passé. Tu as accumulé suffisamment d'air pour remplir totalement la houtotte. Tu as assemblé suffisamment de bois mort et de branchages dans celle-ci pour vous faire un petit fagot et un feu sur votre chemin, mais à n'en pas douter, vous bivouaquerez dans la Mohon ce soir. J'ai mis quelques framboises, mais cela n'est pas suffisant et j'attends de voir les quelques denrées que peut m'avoir apporté mon ami Horace. Mais il n'est pas parti à la recherche de denrées, tu lui as... Ici, à l'intérieur, c'est rechercher des. Il recherche tout objet qui peut nous être utile. La nourriture, c'est quand même un truc qui va nous être très utile. Je pense que ça, il l'a compris. Donc tu te rends dans la cabane, tu l'as entendu s'affairer auparavant, tu as entendu, je te l'ai dit, des bruits, quelques exclamations étouffées par... la distance et l'effort que tu fournissais. Des cliquettements, des martèlements, tu l'as entendu fourrailler. Il a bruiné quelque temps de façon sonore et désormais la maisonnée est silencieuse. La porte que tu avais aperçue dégondée. Et sans être ajusté, ne bâille plus totalement. Une planche qui n'a pas l'usure des autres a été adjointe pour masquer un jour, et elle repose à demi dégondée. Ton ami se tient juste à côté de celle-ci et te demande de replacer sur ses gonds. Soulève la porte. Qu'as-tu fait? Soulève, tu verras. On soulève la porte. Ajuste-la, penche-la vers moi, il rentre un peu plus dans la pénombre de la maison. Fais donc ce qu'il me dit. Je la Donne penche. un petit coup d'épaule contre la porte, vas-y. Je m'exécute. Tu sens qu'elle joue, qu'elle vient se placer sur ses gonds. Tu entends un léger cliquetis, un crissement. Elle y est maintenant. Bon, nous aurons une porte pour la nuit. Comme ça, on ne viendra pas nous déranger. As-tu trouvé des choses intéressantes avec Hormis quelques vieilles plantes et des araignées, oh, pas grand-chose. Tu es bien sûr? Une soyotte? Soyotte. Comment crois-tu que j'ai ajusté la planche qui nous empêchera de voir la lune à travers la porte? Qu'est-ce qu'une soyotte? Bah, la soyotte, ça permet de scier le bois. Ça ne va pas nous être une grande utilité. Elle aura été utile au moins pour réparer cette porte. C'est pas une cabane, c'est une vieille barquerie, mais ma foi, on pourra en faire bon usage cette nuit, surtout si. Et alors qu'il dit si. Tu entends les premières gouttes de pluie tomber sur le perron de bois. Et la pluie prend vite de l'ampleur. Tu refermes la porte. Il a en main la torche. L'âtre est plein de suie. Je crains que si, sans le ramener, on se retrouve avec toute la fumée à l'intérieur. On se propose de faire le feu juste devant, ça nous évitera des déconvenues. Hey, tu as déjà dû faire le ramoneur. Pas après cette journée, hein. Mais il faut y voir quelque chose pour être efficace. Là, je ne verrai rien. Si Je ne tu... récolterai que le suil et charbon. Non, non, non. On va faire un petit feu juste pour se réchauffer devant. Alors, On tire pas. non, tu vas m'éclairer de la lampe torche et je vais ramonner. Et qu'est-ce qui te permet de dépasser ta fatigue, Edmond? La fatigue accumulée de la route sur laquelle j'ai insisté, qui fut éprouvante, y compris pour toi. Et là, ta préoccupation première, ce serait de manger les quelques framboises d'ailleurs. Les as-tu mangées ou on Non, je propose... vais. En proposes-tu à ton ami Horace? J'en propose deux à mon ami Horace. Je suis Clément. N'y en a pas d'autres? Bon, j'en avais récolté une bonne vingtaine, donc je lui en donne cinq. Je suis épuisé. Je n'ai même pas l'énergie. T'as trouvé de la nourriture? Il y a une vieille toupie, Vieille? vieille toupie toute défaissée, mais c'est plus comestible. Si on le chauffe. Même chauffées, elles sont toutes pourrites. Non, il n'y a rien qu'on pourrait manger ici. Il va falloir... Mis à part la saucisse qui pend dans l'âtre, elle me fait bien envie, mais je me dis que on ne sait jamais ce qu'il y a pu y avoir dessus, et on risquera d'être fort malade à manger cette saucisse. Si tu la places au-dessus du feu... Non. Et les miettes un peu d'amadou. Ça nous réchauffera et ça nous permettra de... Assemble quelques brindilles, mais il se décale par rapport à l'âtre sur la margelle de pierre près du pot à bois. Et assemble quelques brindilles, boute l'étincelle, attise la braise, enflamme les premières brindilles, place le fagot et bientôt, alors que la pluie redouble et commence à ruisseler par l'un des pans disjoints du toit et ruisseler quelque peu à l'intérieur et former une belle flaque, tandis qu'à d'autres endroits, vous entendez par intermittence goûter l'eau depuis le toit. Plop. Plop. Vous êtes bientôt tous les deux frileusement serrés auprès du feu qui ronfle. Oh, il n'est pas très volumineux, il est tout maigrelet. Et au bout d'une branche épointée de quelques coups habiles de canif, il fait griller la saucisse qui bientôt embaume la pièce et chasse l'odeur de moisissure qui... Bien, ça puera moins. Qui imprègne les lieux. Moisissure, une odeur de champignons très forte, comme au-dedans, au cœur même de la forêt. Il y a une odeur fauve aussi, une odeur étrangère au domaine végétal qui est présente. Mais tu ne parviens pas à déterminer la source de cette odeur. Et maintenant que grille la saucisse sur votre petite branche, maintenant que tu vois perler les premières gouttes de graisse qui viennent s'écraser en grésillant sur votre feu, tu sens la salive te monter aux lèvres, tu sens ton estomac qui proteste, qui regimbe, qui veut s'emparer de cette saucisse. Le temps qu'elle grille est long, trop long. Finalement, il pose la saucisse à même la margelle, la coupe en deux de son canif. Tiens, plante le canif, te tend la saucisse, encore brûlante. Tu mords avidement dedans. Il fait de même au bout de son canif. Vous avez le visage tout graisseux, mais après ce frugal mais atypique repas sur les hauteurs, dans cette morcarie abandonnée, vous vous sentez tout rasséréné. Tu vois que ton ami hésite ou a quelque chose à te dire, mais bientôt, de ligne de la tête, lutte manifestement contre le sommeil, mais... Il ronfle assis auprès du feu. Je le rejoins dans ce... Est-ce que tu l'allonges, tu fais quelque chose? Je la longe au... Il y a juste à côté une paillasse qui est tout proche de l'âtre et qui pourrait... Je rapproche la paillasse. Mm-hmm. Elle est enchâssée dans le... Elle fait corps avec le... Tu peux aller le déposer délicatement sur la paillasse. Vous êtes pas bien gros et vous pourriez dormir tous les deux sur la paillasse. Ouais, on va faire ça. Est-ce que tu alimentes le feu ou tu le laisses mourir Je vais le laisser mourir. Enfin, on se tiendra chaud, on gardera la chaleur corporelle comme on sera à côté. Donc. D'accord. Et on a deux... On a qu'une... Il n'avait déposé qu'une poignée de branches et déjà la maisonnée est tout envahi de fumée, l'âtre n'a plus de tirage, il doit être effectivement bouché, il doit y avoir quelque chose qui l'empêche de sortir. Elle s'évacue en partie par les trous du toit, mais s'évacue bien évidemment beaucoup plus lentement que si vous aviez utilisé l'âtre en lui-même. Tu t'installes sur la paillasse, il y a quelquefois défraîchi, plus grand chose qui soit sous le drap épais, hein. C'est peu confortable, mais tu es tellement éprouvé par le voyage que tu n'en as cure. Ça pique un peu. La paille doit percer le drap ou tu t'assoupis avec bonheur. Tu sens tes membres se relâcher, la tension épouser le rythme lent de l'eau qui goutte depuis les trous du toit. Tu entends un roucoulement tout proche. Finalement, vous n'êtes pas si seul sur la hauteur. Quelque oiseau doit être dans les environs. Tu sombres tout à fait. Tu es pris d'une démangeaison sous l'aisselle, ça te pique atrocement. Et ça te pique partout, il y a plein de puces. J'essaye d'en faire la préfraction et de dormir. Mon ami, tu as troublé mon sommeil. Mon ami, tu as enfumé mon logis. Que me donneras-tu en échange? Des framboises. C'est acide, granuleux sous le bec. Non, les framboises ne pourront effacer l'affront que vous m'avez fait. Me fais-tu revivre alors que j'ai mon coupe-jarret dans mon dos? Tu menaces ton hôte? Oui. Et ton coupe-jarret n'est-il point... Alors, tu dis qu'il est dans ton dos, mais tu t'étais fort improbable qu'il soit dans ton dos. Il est bien loin de toi, là, maintenant, mon ami, ne crois-tu pas? Cesse donc de m'importuner, tais-toi, Goupil. N'aurais-tu une offre plus conséquente à me faire? Que veux-tu? Qu'aurais-tu à m'offrir? Que veux-tu? Un petit homme qui se promène tout seul dans les bois, en haut du col, esselé. Qu'est-ce qui te pousse à braver les intempéries, à braver les pluies diluviennes qui vont s'abattre sur mon domaine? J'accompagne le petit bout de viande qui est avec moi, Horace. Un petit bout de viande? M'offrirais-tu ton compagnon Horace? Non! En dédommagement de votre affront? Mais il entend tout de travers ma parole! Non, je ne te demanderai pas Horace. Mais peut-être pourrais-tu m'apporter l'un de ces affreux volatiles. Et alors je pourrais considérer que tu as payé ton écho. Je ne paierai rien. Si tu ne payes rien, je devrais sévir, mon ami. Je sais bien, mais je ne payerai rien. Ni Dieu ni maître. Tu regimbes. Alors, tu paieras le prix de ton affront. As de pis. Donc là, si j'ai bien compris, c'est un prix à payer. Et là, je peux utiliser mon as de pique pour pas payer la conséquence. Si je t'expose quel est ce prix à payer. Tu es dans une situation fort étrange. Tu es allongé sur la paillasse auprès de ton ami Horace, et en même temps, tu te tiens debout. Tu es debout, mais tu as l'air tout frêle, démuni. Et devant toi se tient un oiseau immense. Un de ces oiseaux de nuit, un de ces oiseaux aux yeux immenses. Ses serres auraient la force de saisir et de broyer ton maigre bras. Il est immense par rapport à toi. Il se tient en haut de toi, dans l'obscurité, sur un perchoir improbable, un arbre auquel est pendu un renard. Pourquoi y a-t-il ce renard? Tête en bas. Que t'as fait ce renard pour qu'il soit ainsi? Et tu sens qu'il pourrait te broyer les membres de ses serres immenses, mais tu as bien conscience que c'est fort improbable que tu puisses te trouver ainsi tout nu en sabots devant un immense grand-duc qui aurait la taille même de la mohon dans laquelle vous vous tenez. Ce ne doit être qu'un rêve, mais pourtant, chaque rêve, chaque cauchemar a une part de réalité. Et tu sens cette odeur fauve indéfinissable qu'avait occultée en partie seulement, la bonne chair que vous avez fait rissoler au-dessus de votre petit feu. Et tu sens cette odeur toute proche de toi, tu sais qu'il est juste à côté de toi. Tu te tiens dans la paillasse et de ses serres, il pourrait t'aveugler. Mais un grand-duc parle-t-il? Non. Pourtant, il t'a demandé d'aller chasser ses volatiles. Acceptes-tu son pacte et entreprends-tu de chasser le volatile, sitôt l'aube levée? Non. Ou consens-tu à payer le prix de ton affront et de voir tes yeux crevés? J'en ai déjà un de crevé, en fait. Donc c'est ton œil. Je peux utiliser l'as de pique pour... Parce que je défausse l'as de pique pour dire que ce n'était qu'un rêve. Et qu'il n'y avait pas de grand-duc. Tu te réveilles donc en sueur. Les cheveux plaqués sur ton corps, tout ruisselant de sueur, ta mie est collée contre ta poitrine, elle est ruisselante de sueur, du moins elle est tellement imprégnée que l'on voit ta chair au travers, et devant toi, dans l'axe de ta vision, par le trou ménagé dans le toit où s'introduit le clair de lune et la pluie, tu aperçois un grand-duc qui s'envole, quitte la maison dans un cri. Bref, il entreprend sa chasse. Bon, il existe, mais... C'était en quelque sorte une espèce d'hallucination, on peut le dire. Tu es tout frissonnant dans ta mie, la sueur, la suée que t'a provoqué ce cauchemar s'accompagne maintenant d'un mal de ventre prononcé. As-tu quelque chose à me dire sur les entrailles d'Edmond? Non, pas la viande. Hein. Non, mais j'ai inversé une note. Voilà, il y en a une qui est là, et j'ai inversé les deux. Par rapport à ce que nous avons évoqué, est-ce que il a un estomac délicat? Oui. Non, j'ai mis comme note le rongeur d'os, qui là, c'est un problème qui germe, qui n'est pas totalement germé, c'est un problème que j'avais fait par rapport au lit qu'avait proposé Thomas. Je retrouve. C'est un problème dormant. Donc c'est mon problème dormant, c'est d'avoir un ver solitaire dans mon estomac. D'accord. Là, c'est pile. Tu ne l'as pas joué. Le ver solitaire, ça veut dire que tu as tout le temps faim. et que tu as besoin de nourrir d'abord le verre avant de te nourrir toi. D'accord? Ou du moins, pour te nourrir toi, il faut aussi nourrir le verre. Oui, c'est un parasite, c'est le principe. Voilà. Et en dehors de cela, tu auras des... C'est pour ça que j'ai bouffé plein de framboises. Là, nous sommes rendus en pleine grasse nuit le feu est mort. Seul le clair de lune qui filtre au travers des trous de la toiture sous une pluie battante qui maintenant forme de grandes mares qui répandent une espèce de boue poussiéreuse au pied de la paillasse, font que ta mince miée, tout imprégnée de ta sueur, de ta suée, ne suffit pas, et tu as ton ventre qui se comprime, qui est une plaie vive qui se vrille, tu sens que tu as un besoin pressant de te soulager. Tu as à peine le temps de te rendre sur le perron pour aller faire au dehors que ébaisser tes breaks, tu te vides dans une diarrhée sanguinolente, particulièrement douloureuse. Tu es tout frissonnant. T'aurais besoin de te réchauffer. Essaies-tu de battre le briquet, de raviver le feu? Ah, oh, s'est-il réveillé? Il est endormi. Il dort à point fermé. Mon fil est chaud. Je remets un peu de... Un petit peu seulement. D'Amadou, et je l'allume. Et je veux le faire sans bruit trop brusque. Pour préserver le sommeil. Il n'y a plus de bois disponible au-dedans. Vous aviez que le petit fagot qui s'est consumé pendant que vous dormiez. Je mets quelques feuillages. Ça peut déjà permettre de... C'est un combustible, les feuillages, qui sont dans mes bourses. Ouais, ça va faire des flammages, c'est tout, et beaucoup de fumée. Donc il faut que tu ailles chercher du bois dans la houtotte qui est au dehors. Non, pas dans la houtotte, parce que dans la houtotte c'est le stock pour la nuit prochaine, logiquement. Tu vas prélever du bois couvert de lichen qui est sous la pantie. Si il est couvert de lichen, ça fera juste un peu plus de fumée. Tu vas chercher quelques bûches sous la pantie. Tu en profites pour te rincer à la pluie drue et froide de la nuit. Au dehors, le vent souffle par intermittence. Tu entends tout autour les arbres bruisser. Alentour, ce ne sont pas les épicéas qui tapissent les hauteurs plus haut vers le col que vous avez délaissé. Ici, ce sont des hêtres, et tu vois dans le clair de lune les arbres osciller sous les bourrasques de vent et de pluie drossées par celui-ci. Le vent qui souffle, qui gémit dans les hauteurs et qui susurre. Quoi donc? Il y a simplement ce Edmond qui est porté par intermittence par le vent. Tu rassembles les quelques bûches, te rues à l'intérieur au chaud, place les bûches, attise les braises et ôtes-tu tes vêtements pour les faire sécher oui. Sur le manteau de la cheminée. Tu te déshabilles totalement. Non, pas totalement, juste... Je laisse l'équivalent d'un peigne pour éviter de... C'est l'occasion de chasser effectivement les puces qui s'étaient nichées un peu partout. Tu les écrases, les chasses. Ton corps est couvert de piqûres, de morsures, de puces qui contrastent sur ta chair pâle. Tu fais sécher, tu places ta chemise et tes bras sur l'âtre. Tu te rapproches du feu. Ton ami Horace s'agite quelque peu. Cela semble filtrer par tous les interstices ménagés dans la frêle bâtisse délaissée. Bientôt, ragaillardi par le feu, tu songes à remettre tes vêtements tout fumants. Est-ce que tu t'allonges à nouveau dans la paille, sur le palis, sur la paillasse? Alors, que fais-tu pour dormir? Je veux pas dormir, il est... C'est la grasse nuit. Ah, si je laisse le feu mourir dans l'âtre. Voilà, t'as ramené une provente de bûches, il y a de quoi tenir a priori toute la nuit. Tu l'as placé dans l'âtre directement. Ah bon? Et la fumée ne vous perturbe pas tant, elle s'écoule un peu plus. Manifestement, une partie de ce qui obstruait le conduit gît maintenant au sol. Tu vois les vestiges d'un nid qui se consume. Est-ce que je vois il y a des œufs ou... Non. Rien. Il y a des plumes. Je récupère 2-3 plumes. Des plumes de grand-duc, des plumes blanches, noires et rousses. Je me saisis des plumes. Et tu les mets dans ton aumônière? Non, je les mettrais sur mon bâton de cornouille. Si on a... Bah, tu les réserves pour l'instant, tu vas pas faire ça... Pas faire ça maintenant, oui. Mais à terme, c'est pour... Pour orner ton bâton de marche. Grosso modo, ce serait... Ce sont des toutes petites plumes, hein. Oui, non, mais c'est des petites plumes. Ce serait des plumes comme ça, donc qui partent vers les quatre extrémités selon les... Enfin, vers plusieurs extrémités selon leur couleur. Donc tu places les plumes dans ce qui peut être au sec ton aumônière, parce que le sol est tout détrempé, je l'avais précisé. Par l'eau qui ne cesse de ruisseler par le toit percé. Et tu t'endors auprès du feu qui ronfle dans l'âtre. Au dehors, la pluie ruisselle toujours sur le toit, avec force. Elle barre le bois sec. Elle résonne de mille cliquetis qui assaillent votre demeure qui semble à tout moment promise à être... emporté par le vent qui gémit avec une force redoublée. Ce n'est pas la petite pluie que tu as affrontée pour rassembler les quelques bûches hâtivement pour nourrir le feu dans l'âtre qui ne ronfle plus maintenant que tu t'éveilles. Il ne ronfle plus, il est réduit à quelques flamèches. Des braises rougeoyantes alentour et de la suie grisâtre qui se confond avec les lichens qui ont envahi l'intérieur de la maisonnée, qui ont gangréné chaque recoin de celle-ci. La lumière diffusée est chiche et mouvante, se mêle un clair de lune intermittent où passent les nuages noirs de pluie et les lueurs dansantes de ce feu qui se meurt. C'est la noire nuit, le cœur de celle-ci. Malgré la chaleur du feu, tu as froid. Tu sens le feu et les braises qui rougeoient projeter leur chaleur, mais elles ne viennent pas jusqu'à toi et ton ami Horace. Horace qui dort toujours paisiblement à tes côtés. Je Tu t'es à peine redressé sur ta paillasse, saisie par ce froid qui inonde ton corps. Tes vêtements sont secs, mais tout alentour est imprégné de cette humidité de la pluie froide du dehors que cherche à gagner le feu, mais qu'il ne parvient pas à dispenser. C'est une autre chaleur qui semble émaner de cette eau, une présence malsaine. Donc, j'enlace la créature. J'enlace. Horace, pardon. Tu l'entends grincer des dents, grogner, grommeler dans son sommeil. Il se laisse faire. Tu es maintenant contre lui. La sensation fugace que tu as eue à ton réveil s'est presque dissipée, mais il y avait quelque chose d'étrange, une chaleur qui ne pouvait s'expliquer par le feu, une chaleur d'une autre nature, une chaleur qui avait presque une couleur. Une couleur que la nuit, la grasse nuit mange. La grasse nuit mange toutes les couleurs, tout est gris. Et pourtant, là, à l'intérieur de votre mohan de fortune, tout semble vert. Tout semble avoir pris cette teinte maladive des lichens qui ont rongé l'intérieur du bois de la maisonnée. Et cette couleur semble, maintenant que tu es contre lui, que tu partages sa chaleur corporelle, que celle-ci se communique à ton corps, tu sens au dehors comme le froid de neige qui mord, ce froid extérieur qui nimbe la peau, qui la pique de milliers de petites piqûres simultanées, mais là ce ne sont plus les puces, elles sont repues depuis. Où la froideur que je décris les aura terrassées. Cette froideur qui semble imprégner le lieu palpite dans les murs. Cette teinte ondoie. Elle est tantôt jaune, un jaune pisseux, tantôt verte, le vert du lichen à cœur, tantôt jaune, le lichen tel qu'il pousse sur l'écorce des plus vieux hêtres. Tantôt verte, comme tu l'as vu au crépuscule sur le fagot où tu as vu une grosse araignée se carapater lorsque tu as saisi la houtotte. Et l'eau au sol qui a monté, qui maintenant n'est plus une mare, mais un petit lac s'est formé et seul nage votre paillasse. Tu ne vois plus la besace. Elle est déjà sous les eaux. L'eau est arrivée à hauteur de l'âtre. Elle n'a pas franchi la porte qu'a réparée votre ami. Et cette eau semble ondoyer avec cette pulsation lumineuse qui inonde et contient les flammes, les quelques flammes qui vivent encore dans l'âtre. Lorsque tu t'étais endormi, le vent qui passait au travers du toit attisait les braises par intermittence, les bourrasques relançaient la combustion, avivaient le feu, et la fumée partait tant par le tirage de la cheminée que par le toit. Là, aucune des flammes n'est attirée par les bourrasques. Tu les vois, tu vois leur onde s'imprimer sur cette eau mouvante. Mais sitôt que l'onde la parcourt, elle reflue aussitôt et la pulsation reprend en intensité et tire vers le jaune. Que fais-tu? Si je résume, on est sur la paillasse, on est en train de se faire, je vais faire un câlin pour me réchauffer. Je vois tout en vert sur ce qui est au-dessus du niveau d'eau. Oui. Et il y a l'eau qui a tout pris. Oui. Le feu est éteint, j'imagine. Non. Il y a encore quelques flammes et les braises alentour qui sont encore rougeoyantes, les bûches qui sont désormais de grandes braises. Mais la chaleur ne vient pas jusqu'à toi, tu sens juste cette. Mais étant donné qu'on n'a pas de seau, le seul seau ce sera la houtotte, sauf qu'elle est percée par endroits, donc c'est pas un seau très efficace. Si, vous avez le seau que vous avez emmené pour traire la Julie qui flotte. Ah, bah, Sur l'eau. j'ouvre la porte, il pleut encore, La porte est loin de toi, la paillasse est à l'autre bout de la porte. Il faudrait traverser cette mare. Bah justement, il faut que je la vide. Donc faut bien, mais je vais pas la vider. Si bien suivi, la c'est une petite cabane dans laquelle il y a des trous. Sauf que les trous, ils sont en hauteur. Je vais pas faire allez, je lance comme ça. L'eau ne devrait aurait dû s'écouler par la porte qui n'a été que hâtivement réparée par ton ami. Elle n'aurait pas dû monter, l'eau, dans ses proportions. Il y a quelque chose de singulier, un prodige étrange, un maléfice qui... Et cette eau a la même teinte que les lichens jaunes et verts qui rongent les murs de la cabane. Elle n'a pas la teinte qu'elle devrait avoir. Tu devrais apercevoir au travers de cette eau, même avec un peu de turbidité et les quelques toiles que forment les toiles d'araignée emportées et la poussière, tu ne devrais avoir qu'un filtre grisâtre et voir au travers le plancher. Or là, tu ne distingues que cette masse verte qui pulse. C'est une lumière chatoyante qui pulse et qui pulse d'une chaleur intense qui ondoie comme des ondes de chaleur, mais qui ne sont pas des ondes de chaleur, mais de froideur, comme celle que l'on connaît au cœur de l'hiver, lorsque la peau te tire, te pique. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le seau en fer blanc quand je passe. De palais, je marche. Je vais vers la porte, je l'ouvre et je commence à vider. Logiquement, si tu ouvres la porte, l'eau devrait s'écouler. Mais il faut que tu rentres dans ce marigot. Bah, c'est pas. Pour moi, ça me gêne pas. Mais si j'ouvre la porte et que du seau en fer, je commence à le vider, je vais accélérer le processus. Logiquement, si tu ouvres la porte, l'eau va s'écouler. Oui. Mais si. Mais ce qui n'est pas logique, puisque là tu as 60 cm d'eau de hauteur, c'est que l'eau aurait dû ruisseler par toutes les planches disjointes, ce qui n'est pas le cas. Non, il y a quelqu'un qui nous a maudit, un sorcier qui nous a maudit au loin. C'est pas de l'eau ordinaire, c'est ce que je souligne. Elle a aucune des propriétés de l'eau, et elle a la même teinte que les lichens qui rongent le mur. Bah, je vois, enfin... Mon personnage, il a bien compris qu'il y avait un truc qui allait pas bien, mais il voit pas, et moi non plus, je vois pas quoi faire d'autre que d'aller, d'enjamber, enfin, d'essayer d'être le moins possible dans le marigot, puis se rendre près de la planche, ouvrir la porte et laisser s'écouler le... Ne serait-ce que d'approcher ton pied de l'eau, ton pied chaussé du sabot, tu sens un froid gagner ta jambe. Sitôt que ton sabot entre en contact avec l'eau, tu vois le sabot qui se recouvre de ces lichens. J'aurais pas dû prendre du bois avec du lichen. et tu vois le lichen qui commence à recouvrir en un instant ton sabot. Je vais essayer de continuer de marcher. Il y a 50 cm de profondeur. Je te décris, tu as posé ton sabot à la surface, il s'est couvert de lichen. Un homme de lichen. Donc là, tu vois que manifestement... Attends, le seau en fer blanc, est-ce qu'il flotte? Oui. Je jette au ras le seau en fer blanc. Il est trop grand pour rentrer dans le seau. Le seau, il est comme ça. Oui, même, il sera pas entièrement couvert de lichen. Mais non, mais il peut mettre son pied dedans, ses deux pieds dedans à la limite. Bah, s'il met ses deux pieds dedans, s'il met un pied dedans, ça va pas faire le... Oui, mais où il mettra son autre pied? Bah, l'autre pied, il y aura du lichen qu'on retirera à la fin. Bah, attends, pour confirmer ma théorie qu'on peut retirer le lichen, j'essaye de retirer le lichen qu'il y a sur mon sabot. Tu rapproches ton pied gauche lesté de son sabot. Lorsque tu t'approches ton doigt et que ton doigt approche le lichen, tes doigts formaient une pince pour arracher celui-ci. Tu vois le lichen grimper sur tes doigts. Et je suis un génie. Et tu vois tes doigts de ta main, parce que tu as dit que t'étais gaucher, ta main gauche, les ongles devenir noircir en une fraction de seconde, et le lichen vient recouvrir jusqu'à tes ma paume, jusqu'à tes phalanges. Ah oui. Et s'arrête tout frémissant comme ça, et tu ne sens plus ta main. Ah. Tu ne sens plus tes doigts. Ils sont comme gelés. Mais écoute, je suis déjà corrompu par le lichen, alors autant, même si j'ai peur, pour sauver l'hôte, je cours comme ça et je dévale avec, et de ma main droite, je veux pousser la porte. Tu te jettes dans le bouillon infâme. Le truc, c'est, je me lève. Enfin, je suis attends, levé. Attends, on va faire... Ta main est tout engourdie. Cette masse miroitante d'eau nauséabonde aussi flotte et dispense une lueur malsaine et glacée qui propage les lichens qui ont rongé les murs. Horace est tout ensommeillé à côté de toi, sur la paillasse qui surnage en dehors de votre du seau de donc je de Julie. Je pose mes deux pieds sur l'espèce de rambarde qui est le treillis qui relie les quatre poutres du milieu. Puis je commence à escalader la poutre la plus proche. Tu te hisses sur la poutre. Oui, attends. En revanche, j'ai une question. Le fait que ma main, là, mes doigts sont tout engourdis. Ils sont gourds, ils sont tout froids, mais j'en ai encore le contrôle ou pas? Enfin, je peux pas faire à cette vitesse-là, mais est-ce que je peux faire ça? Oui. Donc, tu peux le saisir. Mais autant toi, tu parviens sur la pointe des pieds à saisir la poutre, mais c'est effectivement difficile. La poutre, elle est toute noire. Le bois est noir à cet endroit. Il a une teinte totalement différente. On a utilisé une essence différente pour l'ossature de la maison. Je t'ai indiqué que les soubassements étaient de pierre sèche. On y a adjoint un plancher de hêtre. Les bardeaux qui forment les murs de la maison sont eux aussi en hêtre, couverts de ce lichen putréfiant, mais les poutres qui constituent la charpente même de la maison et qui soutiennent le toit, elles sont d'une autre essence, toutes noires. En te dressant sur le bord de la paillasse, tu atteins en pleine extension, tu saisis la poutre, mais tu es bien plus grand qu'Horace. Non, mais oh, je dis clairement ce que je compte faire, parce que on a un peu discuté hors micro, mais ce sera pas disponible par la suite, et ça permet donc d'éclairer la situation. Donc mon but, c'est de grimper sur la poutre pour aller sur le toit, descendre du toit, sauter là où il y a la réserve de bois, parce que c'est son corps plus bas. Oui. Comme ça, je me ferais moins mal en sautant. Si je me fais mal, je tombe là, puis je... Oui. Délaisserais-tu le pauvre Horace? Il n'en a pas pour longtemps. Mais une fois dehors, pourras-tu ouvrir la porte? Je la défoncerai si besoin. Avec quoi? Mes mains. Elle a su contenir cette eau. Alors on va faire l'autre solution. Je revais mes sabots. Enfin, je prends les sabots. Tu te ravises. Prends tes sabots sur tes mains. Je vais pas prendre les sabots parce que sinon mes mains vont. Donc, je pose mes mains je m'appuie sur un sur point. Sur la paillasse. Puis, mes bottes, je les fais coulisser. Je les fais coulisser, puis ensuite je plonge mes mains dans les sabots, et à coups de sabot, je frappe frénétiquement la. Comment? Les planches qui forment Les planches qui forment le la. mur contre lequel est adossée la paillasse. Ce serait. Moi, je tape de ce côté-là, pile de ce côté-là, comme ça j'ai pas le bois. Donc, tu donnes de grands coups de sabot, ce qui ne manque pas de réveiller Horace. Mais J'en sais rien, on nous a sûrement jeté un mauvais sort maintenant, faut sortir! pourquoi tu casses la maison? Parce que autrement, tu comptes monter là-haut, monter sur le toit, descendre? Non, je pense que tu vas pas y arriver. Donc on va casser la maison pour s'enfuir, pour. Bah, porte-moi! Porte-moi! Attends, je laisse tomber. Tes deux sabots, tu rechausses tes sabots, Voilà. tu saisis de Horace par la taille, tu le soulèves, il se hisse, se rétablit sur la poutre. Tel un funambule, il se rend jusqu'au trou du toit. Ah! Aïe! Ah, ça pue! On s'en fiche, on essaye de sauver notre peau. Tu vois qu'il est. Il revient sur ses pas. Tu veux que je t'aide? Non, c'est bon. Il repart tout à fait naturellement. Ah oui, souple. On l'avait déjà évoqué. Tel un funambule, il se porte vers le trou dans la toiture. Juché sur l'entretoise, il n'a aucune peine à se hisser, se rétablir sur le toit. Alors que toi, tu viens de te rétablir péniblement. Tu sens ta main gauche qui commence à faiblir. Tu te retrouves sur le ventre, en équilibre précaire, sur la poutre. Ta main tétanise, mais tu parviens à te rétablir. Tu te diriges vers le trou où Oui. tu as vu ton ami. Quelle est cette sorcière? Je n'en sais rien. Et tu entends un bruit, un choc sourd. Ah, il est tombé. Tu ne sais pas, tu es à l'intérieur. Logiquement, c'est du bois. Donc, si ça, il y aurait un bruit de glissade. il y a eu un bruit Ok, il est un tombé. bruit un bruit sourd suivi d'autres bruits, d'une série de bruits qui en partie déformée par le vent, la pluie. Tu poursuis ton chemin sur la poutre. Oui, je continue. Tu te rétablis, tu perds l'un de tes sabots qui retombe sur la paillasse. Que fais-tu du second? Tu le gardes ou tu le balances? Voilà. Il est à mon pied normalement. Et à ton pied, mais Bah, sur je la le jette poutre, dans l'eau. voilà, Je le jette comme ça dans. d'un coup de pied, tu le projettes, il va rebondir contre le mur, et tu te coules en faisant bien attention à tes mouvements jusqu'à l'ouverture d'où filtre la lune et la pluie. Le bord est tout glissant. Tu as quelques peines à assurer ta prise sur la toiture. Mais au dehors, lorsque tu te retrouves sur le haut du toit, le lichen n'a pas la teinte verte qu'il a au-dedans. Il est gris comme doit être le lichen la nuit. Tu te rétablis sur le toit, donc marche prudemment sur celui-ci, te dirige plus au jugé qu'autre chose sous la pluie battante, manque de glisser mais te retient in extremis, te laisse couler sur le toit de la pentie et tu retrouves ton ami frileusement pelotonné à côté de la houtotte sous la pentie. Qu'est-ce que c'était là-dedans? Il faut pas. J'ai froid. Que veux-tu? J'ai froid. Réchauffe-moi. Je me colle à côté de lui. Et vous vous pelotonnez là, sous la pluie battante, sous la pentille. Vous êtes obligé de pousser un peu de bois qui va rouler dans l'herbe. Le tas s'effondre en partie et va rouler dans le pré. Vous entendez au loin Julie meugler dans votre direction. Un meuglement inquiet. Celui qu'elle pousse lorsqu'elle est effectivement aux abois, inquiète, incertaine. Son meuglement se rapproche et bientôt elle vous rejoint. Elle se tient près de vous, elle est ruisselante de pluie, toute frissonnante. Des volutes de vapeur d'eau s'échappent de ses naseaux. Ah ma Julie! Et Horace va se pelotonner contre elle. Il la saisit par la corde et l'invite à aller sous le toit. Il chasse de grands coups de sabot les quelques rondins qui restaient. Et vous installez avec votre vache sous la stoye improvisée pour lutter contre la pluie qui redouble d'ardeur. Mini bilan à l'issue de cette troisième session de notre campagne Skoé. Alors, on a changé d'atmosphère. Oui, c'est moins intimiste et là, on laisse vraiment place aux péripéties, au côté inquiétant, le cœur de Milvaux. On entre dans les bois. Même si on est resté de lieu, on est resté dans la Moron. Certes, mais on rentre dans le cœur du jeu, un côté fantastique, enfin, un côté horrible teinté de fantastique, d'éléments inexplicables. Et donc, c'est toujours un plaisir de jouer avec le système d'arbres, avec l'univers qu'on a, enfin, la teinte qu'on a développée. Ça permet de confronter nos personnages à d'autres choses et de donner une nouvelle saveur au récit. Moi, j'ai trouvé ça franchement très bien. Alors, je t'ai senti un peu perdu. On a un peu cafouillé autour de la péripétie du dernier quart que nous avons joué la grasse nuit, lorsque tu t'es trouvé confronté à cette montée des eaux bizarre autant qu'étrange. Ça tenait en partie au fait que je n'ai pas suffisamment spontanément décrit ton environnement immédiat avec des mots suffisamment prosaïques pour être compris par un non-vosgien. Parce que pour moi, très benoîtement, j'imaginais le lieu spontanément. Je l'avais dans la tête et je ne l'ai pas transmis. Alors le plan en deux dimensions permet d'expliquer certaines choses. Et je pense que là, dans la fiction, on a une vision à peu près commune de ce qui s'est produit. Sur le quart précédent, la rencontre avec l'habitant du lieu, le grand-duc, qu'est-ce que tu as ressenti? C'est à toi de me dire. Déjà, j'ai une réflexion par rapport à... Ça ressemblait à un récit de... à une partie d'un récit de Zotique que j'ai lu récemment. Et moi, il y avait une certaine majesté qui se dégageait de ce grand-duc. Il y avait une certaine ironie, parce que d'habitude, c'est l'humain qui domine, dans l'échelle de la domination, on peut dire que l'humain domine un peu tous les animaux, si c'est pas forcément le cas. Et là, il y a eu un inversement des rôles. En même temps, on est dans Milvaux, donc l'humain est... C'est le glas de l'humanité, donc ça peut paraître une raison de ce pourquoi le grand-duc t'impose ses règles. Donc il y avait cette ironie, cette majesté, et puis ce rapport au récit de Zotique. D'accord. Est-ce que pour toi, le fait que le grand-duc se trouve dérangé dans sa tanière et considère votre présence comme un affront, est-ce que ça te semble couler de source dans le récit? Oui, Oui, je pense, franchement, ça n'avait pas exploré la dimension du tellement du c'est mon enfin de territoire, d'appartenance à un territoire. On est des vagabonds, nous sommes des roseaux, comme le dit Thomas dans Arbre tout au début. C'est là. Ouais. Moi, je suis un roseau. Mille fois je plie, jamais je ne romps. Voilà. Donc, nous, on est sans Dieu ni maître. Et des vagabonds, et donc on n'a pas tellement abordé l'aspect de territoire, de d'hôtes, d'invités. On prend les lieux et puis on les rend. Après, dans quel état, c'est un détail. Et là, Mais ça que le paie. lieu puisse être habité, qu'il ait une histoire, ça ne te choque pas. Ça reste Ben, cohérent dans le j'ai envie de récit. dire, je sais pas, on serait, bon, ce qui serait complètement bizarre, on serait rentré dans un immeuble, je dis n'importe quoi, hein, un immeuble sans histoire, dans lequel il y a juste des, il y a deux, trois, enfin, il y a rien, à part un lit et un peu de bois et deux, trois trucs, deux, trois bricoles comme on a trouvé là, et qui est pas l'histoire du grand-duc. Qu'il y ait seulement le fait qu'on a vu, selon moi, c'est à cause des mousses, parce que j'ai pas retiré la mousse et que j'ai pas pris, parce que j'étais trop pingre pour gâcher le bois qui n'était pas. Gangréné par les Voilà. lichens. Donc là, le lichen, c'est juste. C'est le lichen pour moi qui a fait qu'il y a eu des eaux, tout ça, et j'aurais dû le mettre sur le truc de pierre, même si ça aurait pas brûlé de la meilleure façon possible, ça aurait été la solution pour éviter. Enfin, c'est que ma déduction en tant que joueuse. Et ça crée une histoire pour le lieu, et pour moi, dans un jeu de rôle, surtout en campagne, en one shot, t'as souvent pas le temps d'aborder les thématiques que tu veux. Enfin, toutes les thématiques, du coup, tu passes rapidement sur des points qui méritent pas forcément l'attention. On peut dire que on aurait pu ignorer ce quart-là, le grand-duc, mais comme on est en campagne, ça permet d'explorer nos dimensions et de donner une histoire au lieu, et donner une histoire, c'est toujours pour moi quelque chose de bénéfique dans le cœur du récit. Peut-être t'attendais-tu à avoir un souvenir ou explorer qui était Gaëtan, qui était Morgit dans cette nuit, au travers des songes Non, pas tellement. En fait, j'avoue que, comme pour la plupart des parties, j'y pense pas trop hors partie ou quelquefois quand on en discute. Et comme ça me laisse le plaisir de la découverte. C'est-à-dire que je présuppose jamais ce qui va se passer sur ce qui va se passer. Oui, mais par rapport à la cohérence du récit, lorsque Oui, on j'aurais est pu. rentré dans le, puisqu'on a joué presque dans la continuité des moments, du moment où nous étions interrompus la fois d'avant, on aurait pu supposer, tu aurais pu supposer que partant du souvenir que t'as livré là où Edmond songe à ce que fut Gaëtan, ce qui s'est produit dans le lieu. Et que ça prenne pas la forme que ça vient de prendre. Ça aurait pu, logiquement, mais en même temps, nous on a une logique d'humain, on n'a pas une logique de Mylvalien. Enfin, on a une logique d'humain du 21e siècle, pas une logique de Mylvalien. Et je trouve que ça a une. Après, dire ça ressemble à du Milvaux, c'est pas forcément un adjectif si parlant que ça, puisque Milvaux c'est un univers qui change selon les personnes, mais pour moi. De ce que j'en ai lu de Milvaux, de ce que j'en ai vu de Milvaux, pour moi, ça représente bien l'esprit de Milvaux, et ça représente mieux l'esprit de Milvaux que des rêves de Saint-Guétin et de Momorgite. Moi, j'ai trouvé ça même, peut-être mieux, même si on enlève un peu de cohérence. De toute façon, dans Milvaux, il y a Des la errances. cohérence nous échappe parfois, même si elle existe dans les décors. Enfin, elle existe, mais les joueurs ne doivent pas trop en savoir. Ça tombe bien, j'en sais pas grand-chose. Voilà, donc pour moi, le fait que tu nous lâches, enfin que tu me lâches comme ça dans un truc complètement décalé par rapport à une logique d'humain du 21e siècle, ça m'est pas gênant. Au contraire, ça permet vraiment d'avoir un récit innovant qui permettent d'explorer les personnages, leur mentalité, d'explorer pleinement leurs péripéties, l'histoire des lieux, l'histoire qui les entoure, et ainsi développer une véritable campagne. Alors, dans cette session, Horace a été quasiment absent. Mm. Il était presque un figurant. Mm. Enfin, il était un figurant de facto. Il a pas interagi. Moi j'ai joué mes feuilles, il était épuisé, etc. Ça me semblait tout à fait cohérent. Et il n'aurait pas pris, à mon sens, part aux péripéties, si ce n'est comme il l'a fait sur la fin. En revanche, sans que tu le réveilles, compte tenu de ce du barouf que je faisais. Ouais, mais avant cela, il n'y avait aucune raison pour qu'il participe. Le fait qu'il n'y ait pas eu les échanges qui ont caractérisé la séquence intimiste, on était presque sur c'était une séance de. Oui, c'est beaucoup plus sombre que ce qu'on a joué. Et c'était très centré sur Edmond et. La survie d'Edmond, mais après, d'Edmond, je suppose. Ça t'a pas gêné l'absence d'interaction avec Horace? Ça m'a pas gêné parce qu'il y avait d'autres choses qui. Je pense que s'il y avait Horace en plus à gérer, j'aurais peut-être encore moins compris le truc et que ça aurait été encore plus haché, encore plus peut-être gênant parce que moi, j'ai commencé à perdre un peu le fil. Notamment sur la dernière péripétie. Je pense que s'il y avait Horace tout du long, j'aime bien Horace, le personnage d'Horace, je le trouve très sympa. Mais là, s'il est pas là, pour moi, c'est pas hyper grave. Il dort, c'est une excuse valable, il y a une partie de cohérence. Le fait qu'il soit en quelque sorte un figurant, de toute façon, on peut dire que c'est un figurant puisqu'il est joué par le MJ et que par définition, le MJ, enfin, garde forestière, pardon. JM comme en anglais. Mais j'ai dit JM, je suis vraiment fatigué. Non, mais oui, JM. Oui, non, en anglais c'est Game Master, mais là ça fait GF. Ouais. Comme Gabriel Ferry. Non, bah t'as dit M, donc c'est bon. Donc, pour moi, c'est en partie un figurant, en partie un joueur. C'est assez particulier puisqu'on est un peu. On joue un peu bizarrement arbre sur le point de vue de la règle. Et pour moi, qu'il soit pas là, qu'il soit pas un des éléments moteurs de la fiction, comme il y en avait d'autres qui ont pris énormément, et qui, pour moi, ont nourri suffisamment la fiction, qu'il y ait d'autres éléments moteurs, ça aurait juste alourdi la fiction. Alors, quand on reprendra, ça me fait penser à un autre positionnement. Mmh. C'est que là, tu aurais pu jouer le goupil de... Je l'ai pas fait parce que il dormait et que, pour moi, le goupil, même si c'est le mental, il y a une part... Comme c'est un sommeil, c'est un sommeil profond, donc c'est souvent la période où on rêve, donc il y a déjà les rêves, mais... Le fait de s'absenter comme ça, couper la fiction au milieu pour que moi, par l'intermédiaire du goupil, je décrive un rêve, moi, personnellement, ça me gêne parce que ça coupe complètement, ça hache le récit. Alors, il faut pas te faire cette... Non, là, c'est juste pour le cadre de cette péripétie et parce qu'il dort et qu'il est dans son sommeil profond. Mais justement, je te dis... Moi, je te donne licence et je trouve que ça aurait été bien que tu t'étais bien que le goupil tarabuste Horace. Horace n'était pas actif, mais il aurait pu l'être au travers du goupil. Et je pense que le goupil a des questions à lui poser. Et que là, justement, il était dans une situation... n'oublie pas les termes, hein. L'oubli et l'abandon. Donc là, il s'abandonnait au confort du lieu. Il courait un risque. Et quand on s'abandonne, si tu lis la partie sur le goupil, lorsque le personnage s'abandonne, le goupil... Je le conseille, je l'encourage. Ouais. J'ai pas joué pleinement le goupil. Et en fait, à ce moment-là, la notion du goupil m'a un peu... Je ne veux pas le cacher, hein, elle m'a un peu échappé. Mais pour moi, le fait que le goupil qu'il soit là, ça peut être par exemple le matin, c'est les remords qu'il a qui reviennent plutôt que là. Tu le joues comme tu veux, mais c'est pas un reproche. C'est par rapport à la règle, j'aurais dû. Non, c'est pas un reproche. C'est pas par rapport à la règle. C'est juste, je te dis, j'aurais presque moi, j'attendais une intervention du Goupil. Donc, on peut très bien considérer que la nuit brune va consister en un sommeil réparateur. Nuit brune et Prescope, compte tenu des événements. Ils vont se pelotonner les uns contre les autres. Et on arrivera à l'aube. Ils émergeront à nouveau. Et là... Il y aura la notion du goupil. Ce que je te propose, c'est qu'on reprenne la session. Et c'est toi qui l'entameras. Moi, je jouerai Horace qui se réveille. Mais là, par exemple, tu vas peut-être moins jouer Edmond et peut-être plus jouer le goupil et essayer d'imaginer... Et par rapport à ce que j'ai présenté d'Horace, d'essayer de trouver quelque chose par rapport à son attitude et ce qui s'est produit. Bon, on aura à explorer ce qui reste, ce qui subsiste de nos biens après une immersion dans cette pluie très corrosive. Mm-hmm. Oui, donc, je pense... On est-tu d'accord ? Oui. Je pense que là, on a tout abordé, donc... Est-ce que là, ça te suffit comme bilan ? Oui,